السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، حياكم الله. كم سلا a été annoncé. Le titre de cette conférence est « Conseils pour la Hijra ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un point essentiel à éclaircir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari radiallahu an, a dit: la religion, c'est le conseil, apporté par Muslim. Le grand savant Ibn Mulaqqin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit concernant ce hadith: la base de la religion et son pilier, c'est le conseil. Et les savants ont défini le conseil comme étant vouloir le bien pour la personne conseillée. Mais cela ne veut pas dire que la personne qui conseille est meilleure que la personne conseillée, ou qu'elle ne fait pas de péché, ou bien qu'elle est au-dessus des autres. Si tel était le cas, il n'y aurait plus de conseil en religion, ni même le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Alors que cela est l'une des caractéristiques de notre communauté, qu'Allah a mis en avant, notamment dans le verset 110 de Surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout cela, on constate qu'à notre époque, peu de gens prennent en considération les conseils. Peu de gens, sauf à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, prennent en considération les conseils et les mettent en pratique. Nous demandons à Allah de nous faciliter à mettre en pratique les conseils, comme nous lui demandons de nous compter parmi ceux qui sont visés par sa parole. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Le titre de cette conférence a été choisi car bon nombre de frères et sœurs envisagent de faire la hijra, mais pour certains, ils ne savent pas quelles sont les causes pour faire la hijra, que ce soit d'un point de vue religieux ou bien même d'un point de vue mondain. C'est pour cela qu'on va mentionner dans cette conférence certains conseils utiles, incha'Allah, pour ceux qui veulent faire la hijra. Le premier point qu'on va aborder, c'est des conseils d'un point de vue religieux. Le premier conseil, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble des communautés. Allah dit: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Aussi, car les profits de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux. Parmi eux, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset de Sourate le Divorce, Allah dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. C'est-à-dire que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'Allah lui a ordonné et qu'il délaisse ce qu'il lui a interdit, Allah lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait même pas, comme l'a mentionné le grand savant Ibn Kathir dans son tafsir. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées, il y a la hijra. Donc si la personne craint Allah subhanahu wa ta'ala et fait la hijra, il n'y a pas de doute qu'Allah le facilitera. Beaucoup de personnes ont appris ce verset et l'ont entendu à de nombreuses reprises, mais malgré cela, il n'est pas toujours mis en pratique. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'une des plus grandes causes qui permettra à la personne de faire la hijra. Celui qui veut faire la hijra et aussi ceux qui veulent se maintenir dans celle-ci doivent toujours revenir à ce verset. Par Allah, combien de personnes se sont retrouvées bloquées dans des situations, mais lorsqu'ils ont mis ce verset en pratique, lorsqu'ils ont mis en pratique ce verset, les choses se sont débloquées. Ceci car la promesse d'Allah est vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Yunus: Ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktharahum la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, certes la promesse d'Allah est vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Le deuxième conseil, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car les croyants placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Aussi, car les profits de cette adoration sont nombreux. Parmi ceux-ci, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. Allah dit, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. C'est-à-dire quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour une affaire mondaine ou de l'au-delà, en s'en remettant à lui pour la réalisation d'un bienfait ou le fait de repousser un mal, Allah lui suffira. Il faut s'en remettre à Allah totalement, tout en faisant les causes. Car la confiance en Allah est basée sur deux points essentiels. Le premier point, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième point, faire les causes. Et les causes sont nombreuses. Pour la subsistance, par exemple, la personne peut chercher du travail ou bien se faire prêter de l'argent. Et en général, c'est sur ces deux causes, ou plutôt c'est sur ces causes qu'on se concentre, malgré qu'il y a d'autres causes plus importantes encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens rapproché, j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Nuh, alayhi salam, a dit à son peuple d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur accorde des biens en abondance. Et l'éminent savant Cheikh Mohammed Al-Shantiti dit dans son livre intitulé Adwal Bayan, dans le tefsir de ce verset, selon le sens, et ceci prouve que la demande de pardon, le repentir et les œuvres pieuses peuvent être une cause pour faciliter la subsistance au toi qui veux la hijra. Écoute la parole de Cheikh Mohammed Al-Shantiti alayhi rahmatullah. Il dit, et ceci prouve que la demande de pardon, le repentir et les œuvres pieuses peuvent être une cause pour faciliter la subsistance. Fin de citation. La personne qui veut faire la hijra doit privilégier ces causes-là. Et pareil pour celui qui veut se maintenir dans la hijra. Beaucoup de personnes pensent que l'argent est la plus grande cause pour faire la hijra et pour se maintenir dans le pays où on émigre. Et ceci est certes faux. Car combien de personnes ont réussi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à mettre de grosses sommes de côté, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait la hijra. Ou d'autres à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la hijra, mais malgré cette somme faramineuse, ils sont retournés en terre de kufr, en terre de mécréance. Et à l'inverse, d'autres avaient beaucoup moins. Et à l'inverse, d'autres avaient beaucoup moins et ont fait la hijra et se sont maintenus dans le pays où ils ont émigré. Ceci, mes frères et mes sœurs, car la confiance en Allah, la crainte d'Allah, la mise en pratique du tawhid, la mise en pratique de l'unicité, connaître les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas privilégier le bas monde à l'au-delà, sont les plus grandes causes pour la hijra, que ce soit pour la faire ou se maintenir. Il n'y a pas de doute que mettre de l'argent de côté pour la hijra est une chose importante, mais cela ne fait pas tout. Celui qui veut faire la hijra doit allier les deux en privilégiant les autres causes qu'on a mentionnées. Et ceci est le conseil de nos mashayikhs. Et ceci est le conseil de nos savants. Le troisième conseil, avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car souvent, lorsqu'on veut faire la hijra, on pense directement qu'Allah va nous éprouver, que ce sera dur, qu'il n'y aura pas d'argent, que les enfants vont manquer de tout et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, en terre de mécréance, ce sera tout le contraire. Et ceci est certes une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos savants de la sunna ont mis en garde contre ce genre d'opinion pour celui qui veut faire la hijra, car ses pensées sont récurrentes et certains malheureusement les véhiculent. Et j'aimerais ici mentionner la parole de l'éminent savant Cheikh Rabi al-Nihadi al-Matrali, qu'Allah le préserve. Sur ce sujet, il dit: beaucoup de personnes pensent que s'ils vivent dans les pays d'islam, ils mourront de faim. Ils seront dévêtus, ils seront perdus, et qu'il n'y a de félicité que dans les pays mécréants. Et sur cela, je cherche protection auprès d'Allah contre le mauvais soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation. Il faut que la personne qui a ce genre de pensée sache que ceci vient du diable, car il veut lui faire peur. Car il veut lui faire peur pour qu'il délaisse cette grande adoration. Il faut avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la certitude qu'Allah va lui faciliter, et quand bien même il sera éprouvé, cela sera en fonction de sa foi et de ce qu'il peut supporter. Il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance et patienter dans la difficulté. Et l'éminent savant Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab a très bien résumé le comportement que doit avoir le croyant dans son livre intitulé « Les quatre règles » lorsqu'il dit: et qu'il fasse que tu sois parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, qui patientent lorsqu'ils sont éprouvés et demandent pardon lorsqu'ils tombent dans le péché, car ces trois choses sont les clés de la réussite. Le quatrième conseil, c'est se rappeler de l'au-delà. Ceci est un point très important pour celui qui veut faire la hijra, car en général, ce qui nous freine pour passer le cap, ce sont des choses de la dunya, ce sont des choses mondaines, car les gens sont unanimes sur le fait qu'en pays musulman, la pratique de l'islam est apparente et plus facile. Mais malgré cela, nous avons du mal à faire le premier pas pour partir. Et l'une des causes principales à cela, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran lorsqu'il dit: bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Mais vous préférez plutôt la vie présente. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Subhanallah, on va souvent préférer mettre en danger notre religion alors que c'est ce qu'on a de plus cher. Pourquoi, à votre avis? Pour cette vie d'ici-bas? Pour cette vie d'ici-bas? Pour du confort, des biens? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette vie d'ici-bas comme une vaine parure. Malgré tout cela, on s'y accroche au détriment de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Hadid, dans sourate Le Fer, « I'lamu annama al-hayatu d-dunya la'ibun wa lahum wa zina wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. » Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Mais le fait que la personne se rappelle de l'au-delà, qu'elle va mourir, que son confort ne lui servira à rien, et ce sera même une source de regret pour certains, qu'elle se rappelle ce qui se passera le jour du jugement, et tout cela le poussera, incha'Allah ta'ala, à se précipiter vers les bonnes œuvres, avant qu'il ne soit trop tard, avant que vienne l'heure des regrets, avant que vienne l'heure où la personne voudra revenir sur terre pour œuvrer, comme Allah dit dans sourate les croyants, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Donc se rappeler de cela est une chose très importante pour tout musulman et surtout pour celui qui veut faire la hijra. Le cinquième conseil: se rappeler de la grande récompense de celui qui fait la hijra, car cela va motiver la personne à faire les causes qui vont le mener à la réalisation de cette adoration. Son cœur s'apaisera lorsqu'il pensera à la récompense, et aussi se rappeler de la menace qui guette celui qui délaisse la hijra. Méditez sur ces versets, lisez ces versets, méditez sur ces versets-là. Il ne suffit pas de lire seulement ces versets, il faut méditer sur ces versets. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas sur le Qur'an? Méditez sur les versets qui parlent de ce sujet, et tout cela poussera la personne à s'empresser de faire les causes, incha'Allah ta'ala. Sixième conseil: se rappeler l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se rappeler l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah est capable de toutes choses. Si la personne a conscience de cela, il aura la certitude qu'Allah le facilitera. Allah dit: La خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc celui qui est capable de créer les cieux et la terre est certes capable, il est certes capable de faire ce qui est moindre que cela, comme te faciliter pour la hijra. Le septième conseil: se rappeler les bienfaits de la hijra, car il n'y a pas de doute que les bienfaits de la hijra sont indénombrables. Pratiquer sa religion avec facilité, voir ses enfants s'épanouir religieusement, vivre avec les musulmans, entendre l'appel à la prière. Wallahi, par Allah, si on aurait dû faire la hijra juste pour entendre l'Eden, juste pour entendre l'Adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière, cela aurait été suffisant. Cela aurait été suffisant pour quitter les terres de mes créances, pouvoir pratiquer, extérioriser sa religion sans devoir se justifier, vivre dans la simplicité. Tout ceci sont des bienfaits qui n'ont pas de prix. Et le musulman doit tout faire pour préserver sa religion ainsi que celle de sa famille. Même les mécréants connaissent les bienfaits de la hijra. Beaucoup de parents qui ont visité leurs enfants en terre d'islam ont pu remarquer un changement flagrant chez leurs enfants, un apaisement, une tranquillité, une facilité à pratiquer la religion, un changement au niveau du comportement. Le père d'un de nos frères, en ayant vu tout cela, dit à son fils, « Tu n'as rien à faire en France. Et si tu y retournes, tu ne pourras pas pratiquer l'islam avec autant de facilité. Pourtant, son père est mécréant, qu'Allah le guide. Alors que dire du musulman ? Que dire du musulman ? Il est certes plus en droit de connaître les bienfaits de la hijra. Le huitième conseil, prendre conscience des méfaits de délaisser la hijra, car ils sont certes nombreux. Les terres de mécréance ont un impact direct sur le comportement de la personne, sur sa croyance, sur ses habitudes. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'honorable cheikh Mustafa Mabram, qu'Allah le récompense, a déjà mentionné tout cela dans la conférence de vendredi. Après avoir mentionné des conseils d'un point de vue religieux, nous allons mentionner des conseils d'un point de vue mondain. Ils serviront pour toute personne qui désire faire la hijra, incha'Allah ta'ala. Le premier conseil, celui qui veut faire la hijra doit se donner un temps et non pas une somme d'argent. Je répète car ce point est très important. Celui qui veut faire la hijra doit se donner un temps et non pas une somme d'argent à atteindre pour partir. Et ceci est un point très important. Car souvent lorsqu'on veut faire la hijra, on se dit, dès que j'atteins une grosse somme, 10 000, 15 000, Allahumma barik, 20 000, oh ma faute. Par exemple, je fais la hijra. Dès que j'atteins cette grosse somme, je fais la hijra. Et ceci est une erreur. Car c'est possible, oh mon frère, que tu n'atteignes pas cette somme. Et si c'est le cas, le fait que tu n'atteignes pas cette somme, tu délaisseras alors la hijra. Ou bien c'est possible que tu atteignes cette somme un jour ou l'autre, et cela après plusieurs années, mais tu n'auras peut-être plus la motivation pour faire la hijra. Fixe-toi plutôt un temps qui te sera nécessaire pour te préparer. Ensuite, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et pars. Et sois sincère dans cela. Lorsqu'on regarde ceux qui ont fait l'inverse, on remarque que beaucoup d'entre eux n'ont pas émigré. Et j'aimerais ici mettre en garde mes frères et sœurs contre le fait de retarder la hijra. Car comme vous le savez, la croyance des gens de la sunna concernant la foi est qu'elle augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Il faut donc que tu profites de ta motivation pour faire la hijra. Car cette motivation baisse et augmente, tout comme la foi. Il se peut qu'un jour, tu perdes cette motivation. Beaucoup de nos frères, qu'Allah les assiste, dans les débuts, ils étaient motivés à faire la hijra. Ils parlaient sans cesse de la hijra, nuit et jour. Mais ils n'ont pas profité de cette motivation pour partir. Et au final, ils ne sont pas partis, qu'Allah les facilite. Le deuxième conseil, prendre la facilité. Et ceci est certes une chose à prendre en considération pour la hijra. Celui qui est d'une origine musulmane, le plus facile, c'est qu'il aille dans son pays d'origine. Le frère qui est d'origine algérienne, par exemple, Le plus facile, c'est qu'il est en Algérie. Pareil, pour celui qui est marié avec une sœur d'origine musulmane, le plus facile, c'est qu'il aille dans le pays de sa femme. Car ce sera plus facile en termes de papier et tout ce qui s'ensuit, incha'Allah. Et pour les frères convertis, il faut choisir les pays les plus faciles d'accès en termes de papier et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de mal, s'il n'est pas marié, de favoriser une sœur d'origine musulmane pour le mariage et vice-versa, tout en privilégiant bien sûr sa pratique religieuse. Malgré cela, il n'y a pas de mal à immigrer dans un autre pays que le sien, tout en faisant attention à un point essentiel. Certains frères et certaines sœurs ne veulent pas faire la hijra dans leur pays d'origine, sous prétexte qu'ils veulent émigrer en Arabie ou dans les pays du Golfe, ce qui les pousse à retarder la hijra, ou même, qu'Allah nous en préserve, délaisser la hijra. Et ceci est une erreur. Certes, émigrer en Arabie ou dans les pays du Golfe est une chose très convoitée. Mais combien y arrivent ? C'est pour cela que le mieux, c'est prendre la facilité. Mais si une personne a une opportunité dans ces pays-là, il n'y a pas de doute que ceci est un grand bien. Le troisième conseil, ne pas être trop exigeant, car souvent, nous avons beaucoup d'exigences envers le pays où l'on veut émigrer. Et ici, je vais donner quelques exemples. On veut souvent avoir son propre commerce là-bas. On veut émigrer dans un pays, et la personne, elle te dit, Akhil Karim, il faut que là-bas, j'ai mon propre commerce. Mais par contre, en termes de mécréance, il a toujours été employé. Il a toujours travaillé pour quelqu'un. Il fait ça en France, mais lorsqu'il va en terre d'islam, masha'Allah, il veut être son propre patron. On veut souvent, obligatoirement, pouvoir acheter une maison là-bas, c'est-à-dire dans le pays où on va faire la hijra. Mais par contre, en terre de mécréance, on a toujours été locataire. Mais lorsqu'on va en terre d'islam, non. On veut quoi ? On veut acheter une maison. On va avoir assez d'argent pour avoir notre maison. Pourtant, en terre de mécréance, cette personne-là a toujours été locataire. On veut souvent obligatoirement un pays où il y a de grands savants, des grands étudiants, des conférences tout le temps, des cours tous les jours, après chaque prière, alors qu'en terre de mécréance, il n'y a pas de grands savants, selon ce qu'on connaît, « wal-ilmu indallah ». On met souvent toutes ces choses-là en condition, alors qu'en terre de mécréance, souvent, nous ne possédons même pas ces choses. Tout cela nous montre que souvent, nous sommes trop exigeants. Et toutes ces choses ne sont en aucun cas des conditions pour la hijra. Le quatrième conseil, faire réellement les causes. Car souvent, entre la parole et l'action, il y a certes un fossé. Souvent on entend, je veux faire la hijra. Mais derrière, il n'y a pas de réelle cause, surtout dans l'économie. On constate des fois que celui qui dit vouloir faire la hijra dépense des sommes astronomiques pour des choses mondaines de second plan, alors que ces sommes auraient été plus profitables pour sa hijra. Dépenser 3000 euros pour des vacances en famille, par exemple, alors qu'on est censé préparer la hijra, n'est pas la meilleure des choses. Celui qui veut faire la hijra doit mettre tout en œuvre. Et je dis bien tout en œuvre pour faire les causes nécessaires. Mais tout cela revient à la sincérité. Car celui qui est sincère fera toutes les causes nécessaires pour arriver à cet objectif. Il faut donc revoir son intention Nos pieux prédécesseurs faisaient beaucoup d'efforts pour purifier leur intention. Le grand imam Sofiane Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: je n'ai pas combattu de choses plus difficiles que mon intention, car elle se retourne contre moi. Cinquième conseil: essayez de trouver le quartier le plus adapté et favorisez surtout le côté religieux. Trouvez un logement où la mosquée est à proximité, un quartier où il y a des muhajiroun, un quartier où il y a des gens qui ont fait aussi la hijra. Et ceci est une cause, et ceci est une cause aussi pour se maintenir dans la hijra. Car l'endroit où on vit a un impact considérable sur la personne. Le sixième conseil: être motivé. Celui qui veut faire la hijra doit être motivé. La hijra doit toujours être dans sa tête. Subhanallah, lorsqu'on voit la motivation des migrants qui quittent l'Afrique pour venir en Europe, on se pose des questions. Ils sont prêts à tout pour arriver à leur but. Ils prennent tous les risques. Ils sont prêts à mourir. Certains même meurent. Malgré cela, leur motivation est inébranlable. Subhanallah. Alors que c'est pour la vie d'ici-bas. Alors que c'est pour la vie d'ici-bas qu'ils font tout cela. Mais si toi, mon frère, ma sœur, mais toi, si tu fais la hijra, c'est pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour la récompense d'Allah. Tu dois alors faire preuve de grande motivation. Le septième conseil: faire la hijra avant que les enfants soient grands. Car cela sera beaucoup plus facile pour leur adaptation. Car souvent, ils peuvent avoir un certain attachement dans le pays où ils ont grandi. Alors que s'ils partent tôt, ça sera comme s'ils n'avaient jamais vécu dans les terres de mécréance. Huitième et dernier conseil: clôturer tout ce qui est administratif. Être à jour en termes de papier. Car bon nombre de frères ont fait la hijra sans prêter attention à ce sujet et ils ont dû revenir pour des raisons administratives. Après avoir mentionné des conseils d'un point de vue mondain, on va mentionner des conseils pour se maintenir dans la hijra. Car le tout n'est pas de faire la hijra. Après cela, il faut se maintenir. Celui qui a fait la hijra doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un énorme bienfait. Mais ce bienfait mérite d'être remercié. Et le remerciement des bienfaits est une cause que le bienfait perdure. Allah dit: wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adhabi la shadid. Et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera terrible. Et au contraire, l'ingratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala est une cause de châtiment et d'épreuve. Allah dit dans sourate Saba: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leur habitat, deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux des inondations du barrage et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, tamari et quelques jujubiers. L'éminent savant, Cheikh El-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous dit que le remerciement des bienfaits contient trois piliers. Le premier, reconnaître les bienfaits d'Allah avec son cœur, c'est-à-dire que ces bienfaits proviennent d'Allah et que tu as eu ceci par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier, mentionner ses bienfaits aux autres. Et Allah dit selon le sens et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. Le troisième pilier, utiliser ses bienfaits dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les conseils pour se maintenir dans la hijra sont nombreux. Certains qu'on a mentionnés précédemment équivaut aussi pour celui qui veut se maintenir dans la hijra. Le premier conseil, apprendre la science. Apprendre la science et être assidu dans cela. Car malheureusement, certains qui ont fait la hijra pensent qu'ils ont fait tout le travail et que maintenant ils sont tranquilles et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'apprendre et d'étudier la science. Ou bien, il n'y a pas le temps pour les études selon eux. Et ceci est une erreur, car l'étude de la science va permettre à la personne de renforcer sa foi, d'augmenter sa certitude concernant cette adoration qui est la hijra, augmenter sa connaissance d'Allah, augmenter sa connaissance du tawhid, adorer Allah avec science. Comme il a été dit, la science est une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Et certains savants ont dit que cette lumière est la science. Il faut donc que la personne étudie et qu'elle soit assidue dans cela. Ce qui empêche souvent celui qui a fait la hijra d'étudier, en règle générale, ce sont des choses mondaines. Et ici, j'aimerais rappeler à mes frères et sœurs la parole ou le conseil de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, selon la traduction rapprochée, celui qui veut la vie d'ici-bas, qu'il étudie la science. Et celui qui veut l'au-delà, qu'il étudie la science. Et celui qui veut la vie d'ici-bas et de l'au-delà, qu'il étudie la science. Donc le fait d'étudier la science n'est pas un frein pour obtenir des choses de la dunya. Le deuxième conseil, ne pas avoir peur pour sa subsistance. Car en général, lorsque l'on est en hijra, ce sujet revient avec insistance et les interrogations et les craintes sont nombreuses. Concernant ce sujet, il y a plusieurs choses importantes à savoir. La première des choses, Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, la création de l'être humain s'opère dans le ventre de sa mère sous la forme d'une goutte durant 40 jours. Il prend alors la forme d'une adhérence pendant une période identique et devient ensuite toujours, pendant la même durée, un morceau de chair. Un ange lui est alors envoyé et lui insuffle l'âme. On lui ordonne d'inscrire 4 choses. Et parmi ces quatre choses, il y a sa subsistance. Et l'éminent savant, Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dit dans l'explication de ce hadith, la subsistance ne sort pas de cette écriture et la personne aura que ce qui lui aura été écrit. Ce hadith doit rassurer la personne qui a fait la hijra. Il aura que ce qui lui a été écrit, qu'il soit en terre de mécréance ou en terre d'islam. Allah lui donnera sa subsistance où qu'il soit. Et ceci est certes facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, la personne doit faire les causes pour trouver une subsistance licite. Il ne doit pas dilapider son argent. Et une chose qui est bon de mentionner, c'est que celui qui a fait la hijra doit essayer de se rapprocher du niveau de vie des gens du pays. Car l'un des problèmes, souvent lorsqu'on arrive en terre d'islam, on garde un niveau de vie similaire à celui qu'on avait en terre de mécréance. On dépense beaucoup d'argent dans des choses de second plan. Ensuite, lorsqu'on a moins d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il faut rentrer en terre de mécréance car la vie est chère. Alors qu'en vérité, s'il serait rapproché du niveau de vie des gens du pays, cela lui aurait permis de se maintenir. Et cet exemple est le cas de certains de nos frères qui prennent des loyers très élevés, dépensent beaucoup d'argent dans des choses de second plan. Ensuite, ils rentrent car selon eux, et ici je dis bien selon eux, la vie est trop chère. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher du niveau de vie de la population où on vit. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, sortir en famille, se promener, etc. Ceci est une bonne chose. Mais comme on dit, pas de laxisme ni d'exagération. La deuxième chose, si Allah donne et facilite la subsistance aux mécréants, alors qu'ils font du shirk, et que ce sont les pires des créatures, alors que dire de toi, mon frère qui est musulman? Que dire de toi, mon frère qui est musulman, qui prie, qui jeûne? Ne vous en faites pas pour votre subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera votre subsistance. Troisième chose, Allah subhanahu wa ta'ala a promis maintes refuges et abondance pour celui qui fait la hijra. Comme il a dit, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Lorsque l'on sait tout ça, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Mon troisième et dernier conseil, c'est de toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela dans toutes ses affaires. C'est lui qui facilite, c'est lui qui guide. Et c'est à lui que nous appartenons et vers lui qu'on va revenir. Celui qui revient toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah apaisera son cœur. Au contraire de la personne qui revient et qui se remet toujours aux créatures, il faut avoir la certitude que si on viendrait à être éprouvé, il y aura certes, Il y aura certes la facilité après la difficulté. Nous allons clôturer cette conférence par mentionner des conseils particuliers. Car jusqu'ici, les conseils étaient, on va dire, généraux. Mon premier conseil s'adresse aux convertis, s'adresse aux convertis à l'islam. Car souvent, lorsqu'on est converti à l'islam, on pense que la hijra est impossible. Et on se dit souvent, comment vais-je faire ? Ici, je vais donc rafraîchir la mémoire de mes frères convertis. Au départ, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré la vérité et que tu étais encore dans les ténèbres de la mécréance, tu ne pensais sûrement pas à rentrer dans l'islam ou tu étais peut-être réticent, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'es décidé à rentrer dans l'islam. Le jour de ta conversion, tu es sûrement allé à la mosquée pour dire la shahada. Et pour la première fois, tu es allé à la mosquée. Mais comme tu n'avais pas encore dit la shahada, tu n'as pas pris part à la prière. Et en voyant les gens prier, tu te disais, j'aimerais prier comme eux, mais je n'y arriverai jamais. Après, tu as dit la shahada, tu as appris la prière, et Allah t'a facilité. Et Allah t'a facilité dans cela, alors que tu pensais cela impossible. Tu as appris à lire l'arabe. Allah t'a facilité, encore une fois, dans cela. Avec tes parents, c'était sûrement difficile. Ils t'ont sûrement renié dans les débuts. Et tu étais triste. Et tu t'es sûrement dit, comment vais-je faire sans famille, sans personne? Sans famille, sans personne avec moi. Et certes, Allah ne t'a pas laissé. Les autres t'ont laissé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas laissé. Il t'a facilité. Il t'a facilité. Il a apaisé ton cœur. Il a apaisé ton cœur. Il a rétabli la situation jusqu'à ce que tes parents changent d'avis et que tout rentre dans l'ordre. Celui qui t'a facilité, ô mon frère converti, ô ma sœur, c'est Allah. Si les autres ne savent pas le bienfait d'être musulman, toi tu le connais. Tu le connais mieux que les autres. Tu connais cette ni'ma. Tu connais ce bienfait mieux que les autres. Donc tu sais que la chose la plus chère qu'on possède, Akhil Karim, Urtil Karima, c'est l'islam. Donc il faut que tu préserves. Il faut que tu préserves ta religion. Il faut que tu préserves ta religion. Et l'un des meilleurs moyens de la préserver, c'est de faire la hijra. Imagine avec moi. Imagine avec moi cette situation. Une personne qui brûle dans un feu pendant des années. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala le fait sortir du feu. À ton avis, est-ce une bonne idée si cette personne, après avoir brûlé dans le feu, décide, après y être sorti, de rester juste à côté du feu? De rester juste à côté du feu? Et de ce fait, sentir la chaleur du feu et être touché par le mal de ce feu, est-il intelligent de sa part? Tu me diras non. Le mieux, c'est qu'il aille loin, de telle sorte qu'il ne voit plus le feu qui lui a fait tant de mal. Sahih? Aynam. Ce feu, mon frère, c'est la terre où tu as grandi, où tu as commis de nombreux péchés. Malgré cela, après être sorti du feu, c'est-à-dire après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, tu n'as pas quitté cette terre. Tu n'as pas quitté cette terre qui t'a fait tant de mal. Et sachez que beaucoup de convertis, mes frères, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont fait la hijra. Ils ne le regrettent pas. Remets-toi en question. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour faire partie de cette religion. Mets-toi à l'abri et ne tarde pas. Mets-toi à l'abri et ne tarde pas. Mon deuxième conseil s'adresse aux frères d'origine musulmane. Sachez qu'Allah vous facilite et vous accorde la réussite, qu'Allah vous a accordé de nombreux bienfaits. Parmi eux, avoir une origine d'un pays musulman, ceci est un grand bienfait, mais vous serez questionné sur ce bienfait. Avez-vous profité de ce bienfait? Pour vous, la hijra est plus facile que les autres. Certains d'entre vous ont même des biens, mais malgré cela, on arrive encore à trouver des excuses. Souvent, on veut vivre en terre de mécréance. On veut vivre en terre de mécréance. Mourir en terre de mécréance. Mais être enterré où? Être enterré en terre d'islam. Être enterré en terre d'islam avec les siens. N'est-ce pas une contradiction flagrante? N'est-ce pas une contradiction flagrante? Profitez de ce bienfait. Profitez de ce bienfait pour faire la hijra. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de nos frères francophones sont d'origine malienne, sont d'origine sénégalaise, sont d'origine algérienne, sont d'origine tunisienne, sont d'origine d'autres pays musulmans. Et ça serait, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, facile pour eux de retourner dans leur pays. Ce serait facile pour eux de retourner dans leur pays. Et mon troisième et dernier conseil, et avec ce conseil-là, je clôturerai cette conférence. Mon troisième et dernier conseil s'adresse au père de famille. S'adresse au père de famille. N'avez-vous pas peur? N'avez-vous pas peur pour vos enfants? N'avez-vous pas peur que le jour du jugement, votre enfant dise: c'est la faute de mes parents. C'est la faute de mes parents si j'étais comme ça. C'est la faute de mes parents. C'est à cause d'eux si j'étais comme ça. Qu'est-ce qui va advenir de vos enfants? Qu'est-ce qui va advenir de vos enfants? Comment vont devenir vos enfants si vous mourrez en terre de mécréance? Prenez vos responsabilités et soyez clairvoyants. N'avez-vous pas peur qu'un jour, votre enfant vous dise: je ne veux plus de l'islam comme religion, et de toute façon je suis libre. Je suis libre de penser et de dire ce que je veux. Ne craignez-vous pas? Mais je connais déjà la réponse. Quand on dit cela souvent, il y a toujours une même réponse, un même refrain qui revient. Je n'ai pas le choix. Je sers, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux rien faire. Et il va peut-être te rétorquer: Allah peut faciliter. De telle sorte que mon fils soit pieux. Allahu Akbar. Al-an, akhil karim. Maintenant, mon frère, Allah peut faciliter en terre de mécréance. Mais pour la hijra, tu n'as pas cette conviction. Pour la hijra, tu n'as pas cette conviction. Il y a certes dans les conseils de nos savants des leçons à tirer. Et celui qui médite sur leurs conseils, verra qu'ils nous conseillent, même ils nous ordonnent de faire la hijra. Et cela depuis longtemps. On connaît tous le récit de l'homme qui a tué 99 personnes. Un savant lui ordonna de quitter la terre où il a commis ses péchés. L'homme l'écouta et ce fut une des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Alors, qu'attendez-vous, chers frères et sœurs? Alors, qu'attendez-vous, chers frères et sœurs? Sur ce dernier conseil s'achève cette conférence. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter l'ensemble des frères et sœurs. à faire la hijra. Et sachez qu'il n'y a pas une personne, il n'y a pas une personne qui a voulu faire la hijra sincèrement sans qu'Allah lui facilite, sans qu'Allah lui facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste et vous aide. Soyez sincères, soyez sincères, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui veulent se rapprocher de lui et qui font des efforts dans son sentier. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous accorder la sincérité dans la parole et l'action. Wallahu al-musta'an wa bihi tuklan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.